se pose des questions. Oui. On se pose des questions. On se pose des questions. Ah, on se pose des questions. Mais oui. On se pose des questions. Oui. On se pose des questions. On se pose des questions. Ah, on se pose des questions. T'es pas belle en réel, va dire à Snap, merci le filtre. Tu passes les samedis en soirée, le dimanche matin tu roules, merci le Christ. C'est fini les enfantins, toi t'es abus sur le fontain. Ça c'est dans ou Dracula, trop de maquillage, visage ou calculette. J'écoute la musique, on me dit Mozart est mort. Quand j'ai la dalle, j'ouvre mon frigo, mais Mozart est là. Là t'écoutes mon instrument, toi tu abus sur les streaming. Disque de Roro, disque de platine, mais où est ton zénith? Tu es allé à Cancun, t'as échoué tous tes concours. On sait que dans ta petite culotte là, y a trop de caca. T'aimes quand les bouteilles sont posées, farotes sont reposées. Tu fais la belle, hein? Et chez toi ta perruque est sur lit superposée. Toi tu n'as pas de talent, mais tu cherches les étalons. Un mogo qui joue ballon, chérie tu n'as pas mis crème sur tes talons. On se pose des questions. Oui. On se pose des questions. On se pose des questions. Ah, on se pose des questions. Mais oui. On se pose des questions. Oui. On se pose des questions. On se pose des questions. Ah, on se pose des questions. Sur tes dents y'a pas, tu connais pas pas dentifrice. Y'a pas le jus, donc la galère te fait boire l'eau des pâtes. Ton papa fait des sauts de l'ange, ta maman est une diablesse. Vu que tu vis un enfer, tu ne l'emporteras pas au paradis. Des bouteilles en chicha, des bouteilles en boîte, en vrai t'es un idiot. Est-ce que ta mère a même une bouteille d'eau dans son frigo? Tu dis que t'es un bonhomme, que t'as jamais pourquoi. Pourtant c'est bizarre, c'est toujours toi qui sors premier de Géave. Ils n'ont pas des jetons, ils n'ont pas des jetons, c'est tous des menteurs, oulalala. Ils n'ont pas des jetons, ils n'ont pas des jetons, c'est tous des menteurs, oulalala. Ils n'ont pas des jetons, c'est tous des menteurs, même des voleurs, la la la la. La la la la. Oulalala. On se pose des questions. Oui. On se pose des questions. On se pose des questions. Ah, on se pose des questions.